Au cours de cette période, jamais n'aurait demandé à lire mes écrits. J'aurais été bien en peine, d'expliquer sans rougir cet acharnement à l'encontre de Welbeck. Plus encore, cette violence s'exerçait au fil des pages. Le lien entre mes tristesses, mes souffrances et la noirceur du texte. Il lui avouait quel était ce lien. C'était inavouable, autant qu'une maladie honteuse. De toute façon, elle stagnait, l'écriture. Il y avait trop d'elle dans ma tête pour faire de la place à autre chose. Le monde autour de moi n'existait plus. La ville disparaissait peu à peu, ses bruits, ses lumières, ses odeurs. Comme si ce bonheur à deux rétrécissait l'espace. On ne se quittait pas d'une semelle, alors elle voyait bien que le clavier prenait la poussière, que les pages restaient blanches. Un soir, elle me dit « Nous n'aurons jamais de gosses ensemble, mais ce n'est pas une raison pour arrêter l'écriture. » J'ai répondu que la fuite des gosses n'était pas seule à me freiner. Sa critique y était pour beaucoup. Je la trouvais implacable mais juste. J'avais une écriture de barbare, faite de borborygmes moglaireux qui salissaient mes histoires. Elle répliqua « Tant qu'il s'agit de petites bagarres avec Welbeck, on peut comprendre, mais un jour, vous raconterez une histoire d'amour, et ce jour-là, il faudra mettre le meilleur de vous-même, soigner votre style, habiller vos phrases en haute couture. » « Une histoire d'amour, me suis-je écrié ? Jamais. J'ai pas l'étoffe, pas le goût non plus. » Les histoires d'amour en littérature et partout ailleurs, je trouve ça d'un chiant. Madame Bovary, je lui filerai des beignes. La princesse de Clèves est suante de préciosité, et sans remonter aussi loin, ce qui se fait aujourd'hui dans le genre est d'un ennui profond, du cucugnant non la praline. Il se peut, me dit-elle, que, si vous n'avez pas l'étoffe, comme vous dites, pour écrire une histoire d'amour, c'est peut-être parce que vous n'avez pas non plus l'étoffe pour aimer. Vous croyez ? Demandai-je. Elle attendit un peu avant d'ajouter. C'est plus une question qu'une affirmation. Il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Même aujourd'hui, je m'interroge. Était-ce un reproche avant-coureur, une critique sur ma façon de l'aimer ? Ne voyait-elle donc pas à quel point je l'aimais ? Que j'aurais couru sous les bombes, bouffé du béton, adopté un chat plein de gale et qui ne sent pas bon ? Nous approchons des fêtes de Noël et depuis un mois, notre petite ville affichait ses couleurs et ses convictions. Il faut bien 30 jours pour alerter le passant qu'un événement se prépare, des fois qu'il l'aurait oublié, appâter la clientèle, lui délier la bourse avant l'heure. Rien qu'à ma télévitrine, on sait que bientôt ça va être l'orgie des bulles en coupe, du foie gras bien gras étalé sur tranches, la bûche glacée qui brille comme un sou neuf, que des produits d'habitude réservés aux classes du haut, brusquement mis à la portée du morlingue besogneux. Les marchands s'adaptent, ils font des petits prix pour de la petite qualité. Mais comme on n'en bouffe jamais les autres jours, on ne peut pas comparer. On croit dévorer Fauchon, mais on mâchouille Monoprix sous cellophane. C'est un bien joli tour de passe-passe. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Tout le monde participe au banquet, baffre du chapon à s'en faire péter le ventre. Noël, c'est l'égalité du fronton mise en boutique. Personne n'est oublié, ni à l'hosto, ni en zonzon, ni sur le bitume, où c'est la fiesta des molaires, tout pareil. Les poubelles ont ras la gueule de produits labellisés. Les barbus en robe rouge, mazette, ils sont partout au carrefour et dans les grands magasins, à faire la retape comme des filles. Parce que les jouets des mioches, c'est un putain de pactole en perspective, On n'est plus à l'époque du cheval en bois. Maintenant, les morveux, ils veulent se hisser combattants, bombarder une ville, brûler un champ de maïs au napalm, égorger la sentinelle, bien calée dans un fauteuil Ikea, le boîtier Nintendo entre les poignes. C'est à ce moment, je crois, que Madame Roberts a émis des signaux, pas très visibles au début. J'avais assisté en direct des premières loges à la chute au sous-sol, mais jamais l'inverse, jamais à la grimpette au premier étage. Sûrement qu'il y avait un lien entre les deux événements, celui de Noël et son changement quasi imperceptible, des rires souvent exagérés, en décalage avec la conversation décousue. En règle générale, l'approche des fêtes de Noël entraîne des troubles du comportement chez les fragilisés de la vie, plus que le restant de l'année. Pareil à la pleine lune. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Elles disent aussi, les statistiques, que Noël c'est plutôt la déprime que l'euphorie, rapport aux souvenirs anciens, ceux qui remontent à l'enfance et qui reviennent en fracas, comme des portes dans la gueule. Or, je n'apercevais aucune tristesse dans les yeux de Madame Roberts, au contraire. Tout la faisait rire, tout était motif à se taper sur les cuisses. Le 23 décembre, elle est sortie tôt, beaucoup plus tôt qu'à son habitude, et a refusé mon accompagnement. Dehors, il faisait frisquet, les trottoirs glissaient dangereusement. Je l'ai suivi des yeux dans le couloir. Je l'ai vu passer devant l'appartement de M. et Mme Maréchal, se retourner vers moi, sourire, appeler l'ascenseur. J'étais inquiet avec modération, sans doute la même inquiétude que celle d'une mère qui voit son gosse franchir la porte de l'école primaire le jour de la rentrée. Une délicieuse inquiétude. J'avais confiance en elle. J'avais confiance dans la vertu thérapeutique du veau maringo. Et surtout, j'avais la certitude que ma présence à ses côtés pouvait la sauver de tous ces vilains démons. L'immense amour que je ressentais pour elle ferait barrière, empêcherait les intrusions nocives. Allez, on se croit toujours meilleur que l'on est, différent. C'est de la naïveté plutôt que de la prétention, une naïveté qui trouble la vision des choses, masque le danger. Les milliards d'ampoules électriques de l'usine, elles ont encore beaucoup à nous apprendre, mais il n'y a pas de stage dans ce domaine, que dalle. C'est que de l'intuition, de l'impro. À chaque étape, il faut se démerder en solitaire avec les moyens du bord, et ils sont pas nombreux. J'ai fait comme d'habitude un peu de ménage rapide, la vaisselle du soir, ensuite je suis allé aux courses acheter la tortore. Les rues étaient pleines de monde, les trottoirs encombrés de sapins couverts de coton, de la lumière partout et une ambiance impatiente, les mioches gueulards sur des charbons. Tu sentais que le bouquet final approchait Fissa. Encore un dernier coup de carte bleue, le pain de seigle, du beurre salé pour les huîtres et basta. J'ai cherché au hasard des rues sans grande conviction. Je ne voyais pas où il avait pu se planquer mon petit moineau. Était-il parti assister à un concert gratuit? C'était plus l'époque. Elle était légèrement vêtue, le sac de toile en bandoulière, ses beaux yeux noirs brillants pareils, les sapins blancs. Elle a juste dit « je sors ». À midi, j'ai déjeuné seul, le soir idem. Entre-temps, l'angoisse était revenue s'installer à demeure, la délicieuse inquiétude remplacée par une pétoche sévère, difficile à maîtriser. Un gros coup de cafard et une envie de gueuler au secours ont débarqué. Tous les signaux étaient rouges, plus de doute maintenant. Fallait se préparer à revivre cette chaîne de dinguerie, au coude à coude, solidaire comme des trapézistes, jusqu'au bout du bout, jusqu'à la mort, peut-être enlacé dans la chute. Ou bien baisser les bras. S'avouer dans le blanc des yeux que je n'étais plus de force à lutter, non. Plus aucune espérance de sauvetage, plus de barrière, envoler la barricade. C'était que de la paille. Un barrage de paille contre la folie. J'avais présumé de mes forces. À la radio, on diffusait des chants de Noël, l'inépuisable Tino Rossi, le rossignol corse, et d'autres, plus modernes, mais aussi guimauves, des trucs à chialer ou à se taper la tête contre celle de Madame Bron. J'ai éteint la radio, j'ai éteint les lumières, rien à faire. C'était encore du boucan dans la poitrine, côté gauche, et des flashs aveuglants qui jaillissaient de toutes parts. Je me suis réfugié dans la chambre, installé à ma table de travail, et j'ai flingué un voyou plein de colère qui terrorisait d'autres voyous. J'étais planqué dans un vieux Ford Break, il faisait nuit, et quand il est sorti du bar, le voyou, regardant à droite et à gauche, très méfiant, je me suis approché de lui, par derrière. Je lui ai logé une balle de 11-43 dans la tête, qui a explosé comme un fruit trop mûr. Le sang a giclé, inondé le clavier, barbouillé l'écran de rouge. Le voyou s'est écrasé entre la rue et le trottoir. Je suis remonté dans le vieux Ford. Ensuite, j'ai éteint la bécane. Je ne voulais pas réveiller M. Maréchal, qui avait été si gentil avec nous, si bienveillant. Elle est arrivée au petit matin, il faisait encore nuit. Dans quelques heures, ce sera Noël, la messe de minuit, le réveillon chapon, les jouets enrubannés sous le sapin d'élevage, les mioches, quinquets grands ouverts. S'il n'est pas trop bourré, Momo ira poser sa casquette sur le parvis de l'église Saint-Sauveur. Les fidèles seront plus généreux que de coutume, parce que si cette nuit-là, l'égalité du fronton est mise en boutique, la fraternité, elle, se chante à gorge déployée devant la crèche. Elle est arrivée, les cheveux en pétard, grelottante de froid, le regard illuminé de petite luciole rigolarde, de l'ironie moqueuse dans la voix, presque méchante. « Ave campagne » a-t-elle aboyé. « Celle qui vient dormir vous salue. » Une envie de coups m'est arrivée dans la tête, aussi violente que brève. Je lui ai proposé un bol de café, elle a refusé. Je l'ai accompagnée jusqu'à la chambre et mise au lit, sans lui laisser le temps de se déshabiller. Je craignais qu'elle n'aperçût le sang sur l'écran de l'ordinateur, qu'elle ne me posait des questions embarrassantes, me traitait d'assassin. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, pourtant je ne ressentais aucune fatigue, rien que de la colère enfuie dans un cerveau brumeux. Je me suis allongé sur le canapé. À quoi ressemblerait-elle cette journée? Elle, dormant comme une pierre dans la chambre, moi, essayant de dormir sur le canapé. plus près de la porte. Impression de revivre un vieux scénario, quand nous n'étions que des colocataires en résidence surveillée. Elle voulait une porte, près d'elle, pouvant s'ouvrir à l'heure dite. Je voulais être sûr qu'elle avait bu son bol de café avant de partir. De partir où, mon amour? J'ai fini par sombrer dans un sommeil entrecoupé de sursauts. Quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit noire, mais c'était celle du soir. Je n'entendais pas un bruit. J'ai ouvert la porte de la chambre, doucement, le lit était vide. Sur la table de chevet, en évidence, son téléphone portable trônait. Loin de me rassurer, l'appareil m'envoyait des messages inquiétants. Je me suis allongé sur le lit à sa place, une place déjà froide. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir le portrait, en face, qui me tirait une tronche d'enterrement. Soudain, je me suis senti vieux, vieux et fatigué. Cette sensation me plongea dans une léthargie consciente. Je venais d'entrer en vieillesse, comme ça, d'un claquement de doigts, et déjà, je savais tout ce que l'on doit savoir sur l'état. Je revoyais nettement ce vieillard célèbre gesticuler derrière l'écran du téléviseur, et affirmer que tout était beaucoup mieux maintenant. Si, si, je vous assure. Son éloge de la vieillerie dégoulinait poisseux, se répandait sur le plateau, impudique. En prenant de l'âge, disait-il, on acquiert une grande sagesse. Je l'avais écouté, incrédule, pas convaincu pour deux ronds, et je m'étais dit que ce discours ne valait pas tripette. Que s'il était devenu sage, le géronte, c'est parce que certainement il n'avait plus les moyens physiques d'être dévergondé. Plus les moyens de grimper au mur, de faire le coup de poing à la sortie d'une discothèque, de culbuter la boniche. Ce n'était rien d'autre que ça. La sagesse des vieux, l'empêchement d'être jeune, le reste n'est que menterie. Le général l'avait dit un jour, la vieillesse est un naufrage. Et il aurait pu ajouter que certains n'auraient pas de balises Argos, ni bouées de sauvetage. Mais il était concis, le grand Charles. Ni l'un ni l'autre ne disait quoi que ce fût sur l'amour. Le sentiment amoureux était-il lui aussi sous l'emprise de l'âge, comme l'envie de boxer? Je me relevai d'un bond, fis le tour de la chambre afin de m'assurer qu'en dehors du téléphone portable, elle n'avait rien laissé, pas même un mot griffonné à la hâte. Puis je m'habillai et sortis de l'appartement pour me mettre à sa recherche. J'avais rajeuni de 10 piges en 10 minutes.